Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et Futur Simple se poursuit. On va quitter les océans pour revenir sur la terre ferme dans le studio en compagnie de Cyril Barrette. Cyril Barrette est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval et sa spécialité, c'est l'évolution, le comportement animal. Il est avec nous il va venir à Futur Simple une fois par mois pour discuter de ces questions de l'évolution et de comportement animal, des questions qui nous titillent parfois. Bonjour Monsieur Barrette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au studio. Et puis aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à l'altruisme. Alors, l'altruisme ne serait pas le propre de l'homme. On n'est pas les seuls à aller aider notre prochain. Mais c'est quand même assez intriguant de retrouver ce comportement chez les animaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce genre de comportement? Je pense qu'il est peut-être utile d'abord de définir ce qu'est l'altruisme. Oui. Si on pense en termes darwinien, en termes de sélection naturelle, tous les comportements coûtent quelque chose à faire et parfois rapportent des bénéfices. Et l'économie, si on veut, de la sélection naturelle consiste à favoriser seulement les comportements dont les bénéfices dépassent les coûts. Oui. Donc ça, c'est un principe relativement simple. Mais donc ça s'oppose presque à l'altruisme, à la définition classique de l'altruisme, où on dit qu'on aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Oui, c'est un peu ça, parce que dans le fond... Ça ne marche plus avec le darwinisme. D'où il y a un paradoxe, parce que le comportement altruiste, par définition, c'est un comportement qui coûte quelque chose à l'individu qui le fait, et c'est celui qui le reçoit qui reçoit les bénéfices. Mm-hmm. Donc, en termes darwinien, il semble y avoir un paradoxe ou une contradiction. Alors, si on pense à l'exemple classique, le plus simple du comportement altruiste, c'est une mère qui s'occupe de ses petits. On voit que la mère peut se sacrifier pour ses petits. Et pendant très, très, très longtemps, on disait, ben voilà, on comprend bien le comportement de la mère. On disait, c'est par instinct maternel. Et là, on pensait avoir expliqué la cause. Et on disait, elle le fait pour assurer la survie de son espèce. Et on pensait avoir expliqué la fonction. Mais dans les années 1960, on s'est rendu compte que ces deux réponses ne répondaient à rien, finalement. C'était une façon de dire, on ne sait pas trop pourquoi la mère le fait. On voit bien que c'est naturel. Mm-hmm. Pour comprendre ou pour faire disparaître la contradiction, il faut examiner le comportement, pas au niveau des individus, mais au niveau des gènes portés par des individus. Mm-hmm. Et là, on constate que dans tous les cas observés dans le monde animal, il n'y a aucun cas d'altruisme véritable. Dans tous les cas, l'individu qui fait le comportement est un altruiste physiquement, en apparence, mais en fait, il est un égoïste génétique. Expliquez-nous ça un peu mieux. Si on revient au cas d'une mère qui s'occupe de ses petits, dans le fond, la mère semble très généreuse, très altruiste, peut même sacrifier sa vie, mais dans le fond, ce qui l'intéresse ou ce qu'elle fait, c'est de s'assurer de la survie des copies de ses gènes portées par ses jeunes. Donc ça rejoint l'idée du gène égoïste? Le gène égoïste. Oui. Autrement dit, Les porteurs. C'est ça. L'animal, l'individu, est seulement un véhicule, un porteur temporaire d'un échantillon des gènes. Et ce qui dure, ce sont les gènes. Mm-hmm. Et la sélection naturelle ne peut pas favoriser un comportement qui nuirait à la survie des gènes, puisque les comportements sont en partie contrôlés par les gènes. Mm-hmm. Donc, on a une espèce d'équation là, inévitable où les seuls comportements qui sont conservés, c'est ceux qui sont favorables à la survie des gènes de l'individu. Et là, il y a deux façons de le faire. La plus simple, c'est de se reproduire soi-même. Mais la plus compliquée, qu'on appelle la sélection parentale, qui inclut l'altruisme, c'est d'aider particulièrement notre parenté ou les individus proches de nous à se reproduire puisqu'ils portent des copies de nos gènes à nous. Donc, c'est pour ça qu'on va... Bon, parce que là, c'est un cas... J'avais pas pensé à ce cas-là, la mère qui aide son petit. On se dit, c'est tellement l'instinct. Quand on parle d'altruisme dans la société humaine, on pense pas à ce cas-là. On parle plutôt d'aller aider son prochain ou quelqu'un de la famille. Oui, d'accord. Donc là, l'altruisme chez les animaux, je me disais, il y a peut-être des cas comme ça aussi. Mais finalement, aider son prochain ou sa famille, ça revient à ce que vous dites, l'altruisme parental, parce que les membres de notre famille sont porteurs d'une partie de nos gènes. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'occupe de nos enfants. Ils portent la moitié de nos gènes. On peut même s'occuper de nos parents. On peut s'occuper de nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs. Mm-hmm. Tous ces gens-là sont apparentés avec nous. Apparentés, ça veut dire qu'on partage des gènes en commun à différents degrés. Un frère et une sœur ont un demi de leurs gènes en commun, 50%. Des cousins ont un huitième de leurs gènes en commun. Donc, on trouve tout à fait naturel de s'occuper davantage de notre frère que de notre cousin. On dit c'est naturel. Quand on dit c'est naturel, Ce que ça veut dire pour un biologiste, c'est comme ça que la sélection naturelle l'a fait. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas juste parce qu'il est plus proche de nous physiquement, il est dans la même maison et que le cousin, il est dans la ville à 50 km de là. Non. C'est parce qu'il y a une plus grande proximité génétique. Voilà. On a une façon intuitive. Évidemment, les animaux font pas ces calculs génétiques. Ben, nous-mêmes non plus, d'ailleurs. Nous-mêmes non plus. mais intuitivement, on reconnaît que c'est naturel, c'est normal d'aider nos proches parents plutôt que des parents plus éloignés. Donc, est-ce qu'il y a dans... On pourra en revenir à des exemples pour concrétiser ça. Est-ce qu'il y a dans le monde animal des exemples d'individus qui aident, qui aident des membres de leur groupe familial? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils font comme aide? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Parmi les exemples classiques, c'est les chiens de prairie, par exemple. Vous avez des animaux qui sont très vulnérables à la prédation, soit par les aigles, les serpents ou les coyotes, par exemple, dans la prairie. Et ils vivent dans des terriers. Donc, vous avez ces animaux qui sont à la surface du sol et qui... Une vigile, comme chez les suricates, par exemple, d'Afrique du Sud. Ouais. Un individu qui sacrifie une partie de son temps de recherche de nourriture pour surveiller les prédateurs. Et quand il en voit, il pourrait très bien se sauver lui-même et se cacher. Ben donc, oui. Il aurait sauvé sa vie. Mais s'il prévient les autres par un cri d'alarme, il s'expose un peu plus à la prédation parce qu'il retarde un peu sa fuite. Mais ça protège l'ensemble du bagage génétique de son groupe et ça protège son groupe. Il ne le fait pas pour le bénéfice du groupe directement. Ce qui l'intéresse, c'est sa propre survie à lui. Et sa survie dépend de la survie du groupe. Il ne peut pas vivre tout seul. Okay. Donc, vous voyez que ça a l'air altruiste en apparence, et ça l'est jusqu'à un certain point, mais il y a un élément d'égoïsme. Autrement dit, il y a toujours... tous les cas d'altruisme, sans exception qu'on a observé dans la nature, sont des cas d'égoïsme plus ou moins subtils. Oui, c'est ça. Parce qu'en on a l'impression qu'il se sacrifie pour prévenir ses congénères, en tout cas les membres du groupe. Mais ce qu'il attend en retour, c'est que les membres du groupe vont lui permettre aussi de vivre, parce que c'est des animaux qui vivent en groupe. Il ne pourrait pas vivre sans le groupe. Oui. Donc, c'est pour lui qu'il sauve les autres pour lui-même. Parce que le groupe est un élément indispensable de sa survie. D'accord. Et on parle aussi d'altruisme réciproque. C'est-à-dire que je le fais pour toi. En imaginant que dans la même circonstance, tu le feras pour moi aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une réciprocité qui encourage ces comportements altruistes plutôt que d'être totalement égoïste et méchant et égocentrique et de pas s'occuper du tout des membres du groupe. Mais on le fait jamais pour le groupe. On ne le fait jamais pour l'espèce. On le fait pour, finalement... La propagation de ses propres gènes ou sa propre survie. Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut observer des comportements d'altruisme entre groupes? Entre groupes qui ne sont pas... qui ne partagent pas de... Je ne sais pas si ça existe, des communautés d'animaux dans lesquelles il y a deux groupes génétiques différents, là, mais qui vivent comme un grand groupe. Non, c'est très, très rare. Okay. Je ne connais pas de cas. Par exemple, si on décrit la dynamique à plus long terme d'une troupe de singes, par exemple les macaques ou les babouins ou même les chimpanzés, le groupe s'accroît petit à petit. Il arrive et tous les individus à l'intérieur du groupe sont plus ou moins apparentés génétiquement. OK, d'accord. Et quand le groupe atteint un certain seuil critique, il est trop grand, il va se diviser en deux. Et souvent, il se divise selon les lignes de parenté. Et là, on se retrouve avec deux groupes qui sont relativement apparentés, mais maintenant, ils sont deux groupes rivaux. S'ils se rencontrent dans le futur, ils ne seront peut-être pas très, très, très agressifs dans les premières années, mais éventuellement, ils vont être très agressifs. Ils vont défendre leur territoire l'un envers l'autre, l'un face à l'autre. Donc, l'altruisme qui persistait au début de l'histoire dans le groupe s'est complètement effacé au profit de la compétition. Oui, c'est ça, d'accord. Et donc, on parle d'exemples chez les souricates ou les marmottes aussi en France, dans les Alpes, ça aussi. Est-ce qu'on trouve ça juste chez les mammifères ou est-ce que les poissons, les oiseaux, les reptiles... Le principe que je décrivais au début, de s'assurer de la survie de ses gènes par le biais de sa propre reproduction ou d'aider la progéniture ou d'aider la parenté, ça s'applique à tous les animaux. Ouais. Que ce soit des insectes, les poissons, les oiseaux, on a observé des cas d'altruisme ou des cas d'entraide ou du genre dans tous les groupes animaux qu'on a observés dans la nature. Mais encore une fois, dans tous les cas sans exception, on peut toujours analyser le comportement qui nous semble altruiste, on voit que derrière l'apparence altruiste, il y a toujours de l'égoïsme génétique. Oui, ouais, c'est comme c'est contre-intuitif, on va c'est dire. C'est contre-intuitif et c'est pas pour rien que c'est seulement à partir des années 1960 qu'on a réalisé ça. Il fallait se mettre à la place des gènes puis voir quel est l'avantage pour les gènes. Mm-hmm. Parce que l'individu se sacrifie de toute évidence dans un comportement altruiste. Mm-hmm. Donc là, c'est contradictoire avec si c'était vrai et s'il n'y avait pas l'avantage génétique. Ça détruirait complètement la sélection naturelle et on comprendrait pas comment ça pourrait se maintenir. Imaginez un animal qui fait des choses qui sont désavantageuses pour lui et pour ses gènes. La sélection naturelle ne peut pas préserver ça. Cet animal-là ne laissera pas de traces dans le futur. Mais il faut absolument que le groupe ait cet animal-là pour survivre aussi. Mais c'est à l'avantage du groupe, encore une fois, mais dans le fond, ce qu'on recherche, c'est l'avantage de l'individu. Mm-hmm. Et de la même façon que l'individu a besoin d'un environnement physique favorable, il faut qu'il y ait de la nourriture, etc., bien, ça lui prend un environnement social favorable. S'il est un animal social, on ne verra pas d'altruisme chez les animaux solitaires, sauf entre une mère et ses jeunes. Mais sinon, on n'en verra pas. Mais donc, les meilleurs exemples de comportement altruiste, on les trouve chez les animaux très sociaux, comme les lions, ou les singes, ou les suricates dont on parlait tantôt. Et chez les humains, bon, parce que quelque part, notre altruisme à nous, humains, doit nous venir de quelque part aussi, là. Bon, on aide nos proches, notre famille. Parfois, on aide des amis qui n'ont aucun lien génétique avec nous. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a une explication du niveau de l'évolution à ça? Ben là, on soulève la question centrale qui nous intéresse le plus, peut-être. On constate donc, comme je disais, qu'il n'y a aucun cas de véritable altruisme chez toutes les autres espèces. Alors, la question se pose, est-ce que chez l'humain, il existe le véritable altruisme? Ou est-ce que pas toujours un élément de bénéfice pour soi? Et on ne sait pas. On cherche des exemples et dans tous les cas, parce que par exemple, si on pousse ça à l'extrême, vous voyez, je vous dis, chez les animaux, on s'occupe de ses jeunes à soi, on s'occupe de ses frères et sœurs, on s'occupe de la parenté, on s'occupe de sa tribu éventuellement, mais chez nous, dans nos conditions de vie, on pousse ce cercle de l'altruisme ou de la compassion, si on veut, très très loin, jusqu'au niveau de la biosphère. Mais est-ce qu'on s'occupe de sauvegarder toute la biosphère, les océans, l'atmosphère, la biodiversité, pour assurer la survie de la biodiversité ou parce qu'on est conscient que notre survie en dépend? On en a besoin pour nous-mêmes. On en a besoin pour nous-mêmes. Remarquez que la motivation serait le résultat est le même. Que ce soit du véritable altruisme, complètement désintéressé, complètement gratuit, ou que ce soit de l'égoïsme déguisé, le résultat est le même. La question nous intéresse quand même à savoir est-ce que le véritable altruisme existe chez l'humain. On sait qu'il n'existe pas ailleurs, chez les autres espèces. Mais comme le résultat est le même, la question ne se pose peut-être pas. Non, mais c'est ça, parce que même, bon, on aide des fois nos amis, mais on aide des fois des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui sont à des milliers de kilomètres de nous, quand on envoie un don à la Croix-Rouge parce qu'il y a un séisme quelque part. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme retour pour nous? Ça ne va même pas sauver la biosphère. mais sans être complètement cynique, il y a un retour pour nous quand même si on se sent mieux, si on est plus heureux, si on se sent plus en harmonie avec l'humanité. Peut-être l'image de soi aussi dans la société. L'image de soi, mais même à la limite, si on fait un don parfaitement anonyme, on se sent bien. Là. Je veux dire, le cas extrême d'altruisme, peut-être qu'on observe un peu caricatural chez l'humain, on cite toujours le même exemple, c'est Mère Teresa. Mais Mère Teresa se couchait plus heureuse le soir si elle avait aidé les malades. Donc, et peut-être qu'elle espérait une meilleure place au paradis parce qu'elle avait sauvé des mourants. Donc, c'est un peu cynique de le dire comme ça, mais c'est très difficile d'imaginer des comportements, même chez nous, même chez l'humain, qui seraient complètement désintéressés. C'est ça. Donc, c'est pas un vrai altruisme non plus. Non, mais encore une fois, est-ce que ça fait vraiment une différence? Puisque le bien est aussi bien qu'il a été fait par altruisme véritable que par égoïsme subtil, si on veut. Donc, le résultat est le même. Ouais. Est-ce que, je vois là, il est dans un groupe d'animaux quelconque, il va y avoir donc celui qui aide, par exemple, qui donne le signaleur, la vigie, il va peut-être y avoir d'autres qui ont d'autres fonctions dans le groupe, d'autres fonctions aidantes dans le groupe, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une base génétique il doit y avoir une base génétique à ces comportements? Est-ce qu'on a mis le doigt là-dessus? Bien, ça, c'est extrêmement difficile. Trouver le gène de l'altruisme, on ne trouvera pas le gène de l'altruisme. Ce qu'on risque de trouver éventuellement, avec un peu de chance, dans 50 ans de recherche génétique, on trouvera un très grand nombre de gènes qui prédisposent à l'altruisme. Ça, c'est presque certain. C'est presque certain, entre autres, parce qu'il y a plusieurs de ces comportements altruistes qui n'ont pas besoin d'apprentissage. Oui, c'était en fait là où je voulais un peu venir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inné ou est-ce qu'on doit le développer au fur et à mesure qu'on voit les autres membres du groupe? Ou... Bien, c'est toujours un mélange des deux. C'est-à-dire que, de toute évidence, on vient au monde, je pense, avec une prédisposition à aider. Mm-hmm. Donc, une prédisposition qu'on imagine génétique, puisque ça ne demande pas d'apprentissage. Mais c'est évident que, selon l'expérience qu'on vit, selon l'apprentissage ce qu'on voit autour de nous, les modèles et les exemples mm-hmm. qu'on a autour de nous, ça peut renforcer le comportement altruiste ou, au contraire, l'inhiber complètement. Si on vit, par exemple, si on aide une fois puis que ça nous coûte très cher et qu'on n'a pas de retour et que on est presque puni d'avoir trop aidé, bien évidemment, on va apprendre à arrêter d'aider. Donc, c'est toujours la même explication compliquée, malheureusement, pour les comportements comme les comportements altruistes ou les comportements un peu compliqués. C'est un mélange de nature et de culture, comme on dit. Un mélange d'inné et d'acquis. Mm-hmm. L'apprentissage y est pour quelque chose, mais cet apprentissage, si vous voulez, travaille avec des prédispositions génétiques qui sont là et qui ont été encouragées par la sélection naturelle parce que ces prédispositions, chez nos ancêtres, chez nos parents, ont contribué à leur succès reproducteur, dont nous sommes le représentant. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de continuité de génération en génération. Encore une fois, tout ce qui compte, c'est que les gènes persistent de génération en génération. Oui, là, il y a toutes sortes de façons de le faire, y compris l'altruisme. Oui, c'est ça. Puis, chez les humains, on dit que l'altruisme se rapproche de l'empathie, par la définition plus classique qu'on entend. Donc, on perçoit les émotions, peut-être le malaise de quelqu'un et on veut l'aider. Est-ce qu'on peut parler d'émotion et d'empathie chez les animaux ou finalement, c'est tellement... Un scientifique du comportement animal hésiterait beaucoup à utiliser ces mêmes mots qu'on utilise chez l'humain et les transposer chez l'animal, parce que c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme ou l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on on imagine que l'animal est heureux ou malheureux ou vit de l'empathie ou des émotions. Il n'est pas impossible que particulièrement chez les primates ou les grands singes, comme les chimpanzés, il y a des indications comportementales, le fait que les singes, particulièrement les chimpanzés, encore une fois, vivent des choses qui ressemblent à l'empathie. Et ils ont des émotions qui ressemblent aux nôtres. Mais de la même façon que c'est très difficile pour un humain d'imaginer ou de décoder exactement l'émotion vécue par un autre humain devant lui, même quelqu'un qui lui est familier, à plus forte raison, décoder correctement ce qu'un chimpanzé ou un lion ou une truite vit. Avec la truite, je suis un petit peu éloigné, mais disons les mammifères, parmi les mammifères, on voit des lions dans la savane, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans leur esprit. On ne dit pas qu'il ne se passe rien, mais quelles sont les émotions qu'ils vivent? Probablement qu'il est certain qu'ils vivent des émotions simples comme la peur ou l'appétit ou le désir de chasser puisqu'ils font ces comportements. Mais au-delà de ça, on n'a pas besoin de présumer que la mère qui s'occupe de ses jeunes vit de l'empathie ou de la générosité l'explication génétique suffit à expliquer le comportement chez toutes les espèces. Encore une fois, sauf chez l'humain. Parce que nous, on a des émotions plus complexes et on a des motivations plus complexes et la culture prend beaucoup plus de place chez nous. Donc, le génétique n'explique pas tout du comportement social de l'humain. Mais explique presque tout du comportement social, y compris les comportements altruistes chez les autres espèces. Et puis, ça me fait penser aussi, puis ça sort un petit peu du sujet, mais je me demande, puisque il y a des choses qu'on observe chez les animaux qu'on n'observe pas vraiment chez nous, mais est-ce qu'on est encore soumis, l'humain, à l'évolution, au mécanisme de l'évolution? Ou est-ce qu'on est, comme le disait Vercors, dénaturé? Là, les opinions varient. À mon avis... les humains comme vous et moi qui vivons dans nos conditions à nous, occidentales, nous sommes presque complètement à l'abri de la sélection naturelle. Et la façon de tester cette idée, c'est si vous regardez chez les autres espèces, tous les caractères phénotypiques, comme on dit, que ce soit l'anatomie, la physiologie, le comportement, sont reliés au succès reproducteur des individus. En plus ou en moins. Ouais. Ils doivent favoriser le succès reproducteur de l'individu pour que la sélection naturelle les conserve. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes encore soumis à la sélection? Il faudrait trouver des comportements chez vous et moi, dans nos conditions de vie occidentales, des comportements qui sont reliés aux différences de comportement, aux différences de succès reproducteur. Ouais, et je vous mets au défi d'en trouver. Il n'y en a presque pas. Donc, à mon avis, les gens qui vivent dans nos conditions sont presque complètement à l'abri de la sélection. Donc, notre évolution future par sélection naturelle est arrêtée. Mm. Mais c'est pas vrai de tous les humains. Par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs qui vivent encore sur la planète, ces gens-là sont soumis tout à fait à la sélection naturelle, mm-hmm. comme une meute de loups, comme une meute de lions, parce qu'ils vivent dans des conditions très sévères. Vous ne trouverez pas de myope, par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs, mm-hmm. parce que ce serait mortel pour un myope. Ouais. Il serait un fardeau pour le reste du groupe. Mm-hmm. Ce qui arrive, le reste du groupe peut s'en occuper, mais il y a une limite à faire ça. Ouais. Donc, il y a encore des humains soumis à la sélection naturelle ou des gens qui vivent dans les bidonvilles, dans des conditions atroces. Mais pour nous, la sélection naturelle n'a plus d'emprise. À moins que peut-être la société stressante de nos jours ait apporté des nouvelles pressions de sélection autres, peut-être. Oui, mais ce seront des pressions de sélection seulement à la condition que ces pressions-là diminuent le succès reproducteur de certains individus et qu'il y ait un lien génétique entre notre capacité de résister aux pressions en question. S'il n'y a pas de lien génétique et s'il n'y a pas de lien avec le succès reproducteur, ce n'est plus soumis à la sélection. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Mmh. En tout cas, on voit qu'on a ouvert le débat en partant de... la discussion. Donc, en partant de l'altruisme jusqu'à... est-ce qu'il y a encore une pression de sélection? Est-ce que l'homme est aujourd'hui encore soumis à une pression de sélection? On pourra peut-être en parler à une prochaine fois, peut-être, visites. Oui, absolument. C'est un sujet fascinant sans fin. Donc, ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir encore une fois donc dans un mois. Et en attendant, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir nous parler de l'altruisme chez les animaux. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Merci à vous, à bientôt.